Bonjour, vous êtes sur KFAI, radio communautaire, sur 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, radio sans frontières. Et vous écoutez Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, radio without boundaries. And the program we present is Bonjour Minnesota. Bonsoir Dana et bonsoir Frédéric. Bonsoir Karil. Bonsoir Karil. Nous y sommes le dernier jour de janvier déjà. Ooh. Oh là là, c'est ça incroyable. Change. Alors. C'est bien au moins il fait. Les journées sont plus longues. Très bien, c'est vrai. Là, ce soir, il a fait jour jusqu'à 5h30, 6h. À 6h, ça commençait à faire nuit, mais c'est mieux que quand il fait nuit à 4h30. Oui, mais il y a des autres sujets qui sont plus importants que le temps. C'est vrai. Les manifestations. Les manifestations que Frédéric a vues. Tout prêt. Un peu assisté à manif aujourd'hui, hein? Un petit peu. J'y suis allé à 4h30 au building fédéral. Mm-hmm. Oui. So, yeah, I was at the federal building at 4:30 for the protest. Très bien. Contre le ban et le wall. C'était par hasard ou... Non, c'était organisé depuis... il l'avait annoncé la semaine dernière, aussi. Je crois. Mm-hmm. Je crois. Et, je l'ai vu sur Facebook et il y en avait dimanche et il y en avait aujourd'hui aussi. Il y avait au moins combien de gens au manif aujourd'hui? Oui. Ouais. J'ai pas vu les informations, mais il y avait énormément de monde. Je suis tellement heureuse. Parce que je pensais que les Américaines ne seront pas vraiment pour le manif. Mm-hmm. Alors, comme il y a très longtemps depuis que les gens sont vraiment allés dans les rues pour protester. Les années 60 et 70, oui. Il y avait pas mal de monde. Hein. Mm-hmm. Oui, mais heureusement que ça va. Et toutes les... campagne. Est-ce qu'on dit campagne pour emailer et téléphoner les politiciens? Par extension, campagne. Campagne. Oui. Campagne. C'est incroyable. Plusieurs façons pour manifester. Ouais. Donc il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y avait cette manifestation ce soir à 4h30 à the Federal Building downtown Minneapolis. Mm-hmm. Mais et puis après ça c'est on a marché un petit peu. Mm-hmm. Pas très très longtemps, mais on a marché quand même un peu. Et il y avait des chants. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont chanté comme proclamation? Comme slogan. Slogan. Trump, on veut pas de toi, ou voici la démocratie, laissez les rentrer, en parlant des immigrants. Uh-huh. Mm-hmm. Ce genre de choses. Je me rappelle des manifs à Paris, quand c'était contre les Africains et tout le monde. Et le slogan, c'était « Nous sommes tous les enfants immigrés ». J'allais toujours aux manifs. Quand j'habitais à Paris, je marchais dans la rue et je chantais. T'habitais à côté de Bastille. C'est c'était tous les jours. À Paris, la plupart des manifestations se passent entre la République et la Bastille. Ouais. Et ils marchent entre ces deux pôles. Donc, c'est... Au quartier latin aussi. Alors, mais moi, j'allais dans l'autre direction. Ouais. J'ai vu des gendarmes avec des poids dans les capes qu'ils portaient. Uh-huh. Ils ne voulaient pas être trop près parce qu'ils commençaient à... Oh. Oui. À faire le ménage. Toi, tu étais entre les gendarmes et, et les manifestants. Les manifestants, mm-hmm. Oh là là. Hein. Mais, ça tourne mal. Après les années 60, en fait, la plupart des manifestations qui ont été autorisées ou qui sont autorisées à Paris, c'est plus entre Bastille et République. Il y en a très, très peu sur la rive gauche. Mais... c'est toujours, trop gênant. Tous les jours, quand j'habitais à Place de la République, il y avait le poste où il y avait Toujours. Toujours des gens qui ont une bonne raison de manifester. Et souvent SNCF. Oh, tu parles des grèves. Oh, toujours des grèves, ouais. Des Les manifestations sont souvent pair avec les grèves. Oui, parce que comme ils font grève, ils ne travaillent pas. Donc, du coup, oui, ils mais font temps manifester. On te prévient avant. Hein? Tu peux savoir qu'il n'y aura pas d'eau après une certaine heure. Alors, on remplit le baignoire. Cette Et pas d'avion. Aussi pour le métro. Oui, c'est aussi pour le métro. Le métro, mais c'est... C'était gratuit. Il y avait toujours le métro, mais c'était gratuit. C'était gratuit. Oui. Bon, en général, les jours de grève, quand le métro était vraiment en grève, c'était gratuit. Mais ce n'était pas une partie de plaisir non plus, parce qu'il y avait un métro sur 4 ou c'est sur vrai. 10. Oui, et oui, du oui. coup, on était coincés comme des sardines. Oui. Il fallait vraiment faire coller serré. Hein. Mais au moins, ça marchait encore. Il y avait toujours quelque chose. Oui, parfois ça marchait encore. Est-ce qu'il y avait la police là pour... devant le bâtiment fédéral. Oui, il y avait de la police un peu autour en fait. Il y avait de la police vers, Third Avenue et Fourth Street, parce que après, quand les gens commençaient à marcher, ils ont voulu aiguiller les gens vers Third Avenue et Washington Avenue pour aller vers le nord. Et après Washington Avenue et Hennepin South. Donc, et c'était surtout les policiers de la ville ou c'était de National Guard? Oh, j'ai pas vu de National Guard. Non, c'était que les policiers de la ville. Et puis, ils étaient juste au coin des rues, vraiment pour bloquer plus les voitures que pour penser qu'il y allait avoir des problèmes. Quoi. Ouais. J'ai vu personne avec des masques à gaz. D'accord. Ah, heureusement. C'est une bonne chose. Merci pour le reportage. Continuation de la musique. Nous y sommes. Nous avons de la musique de RFI. C'est le mois de janvier. Et la première chanson, nous allons commencer avec Le Soleil et la Lune de Arnaud Turboust. Et après, Dans le Maintenant de Batlick. On y va. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, que dit-on sur les toits, que répètent ces voix de ces chats qui s'ennuient? Des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend ici-bas. Souvent chacun pense à chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, et le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. La nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentés en termes très émouvants les avis des aveux des savants. Bien les gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnaient subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend ici-bas. Souvent chacun pense à chacun doit en faire autant. Le soleil a rendez-vous avec la lune, le soleil a rendez-vous avec la lune, le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil. Le soleil. Et la lune. Philosophe, écoutez cette phrase, est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit

At first one I heard was Le Soleil et la Lune, sung by Arnold de Turbo-Boost, and it's a song of Charles Trenet, although I did not recognize the melody at all. They changed it. Yeah, the orchestration is very different. Yes, yes. And the second one, Batlik sang for you, Dans le Maintenant, in the now, the here and now. Cool. What's next? Vozo, mm-hmm. je crois. Et c'est la chanson chantée par Bello et Emily Michel et James J. Je ne sais pas le nom parce que c'est pas c'est ici. Sûrement Gérard. C'est Gérard. Ah, il y a des chances. Ah, d'accord. Et la deuxième chanson, c'est Cléo Vincent qui chante « Retiens mon désir ». Ouh là là. Ouh. On y va. Haïti chérie ou maman liberté, ou son belle femme qui pas santé. Belle coup de plumon dans l'histoire, l'humanité, ça fait des roues, un symbole fierté. Ou pas femme qui porte trois poubelles toile, et on sait une femme, cinq étoiles. Je dis on tremble ou manque tombé. Mais on m'est réjoui parce que on prend l'air et puis frais. Où c'est Ozo? Oui, où c'est Ozo? Maintenant de oublier, pas casser. Où c'est Ozo? Oui, où c'est Ozo? Maintenant de oublier, pas casser. C'est pas un joli mauvais temps passé. Nous frapper, nous l'âme toujours qu'un verre. Nous passer si clan, nous passer. C'est un père, nous agents de courage. C'est pas première fois pour l'homme pour t'y aller. Tout ça que nous te possédons, tout en nous la force, nous vivre avec espoir. C'est un travail n'a levé. C'est pour ça, c'est pour ça. Ou mettre tant de plier, nous pas cacher. Non. Madame, ma ressentie, serait mon choix. C'est vrai, nous tomber mais faut lever. On en a dit un grand merci à tout le monde qui était là. Nous pas casser. C'est Ozo, ou maintenant nous plier, ou pas casser. C'est vrai, nous plier, nous pas casser. Même si nous plier, nous pas casser. Même si nous plier, nous pas casser. Nous a oublié, ou pas casser. Nous c'est Ozo, nous c'est Ozo. J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or. Des histoires des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas. je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Ils n'ont pas tenu longtemps l'amour sans horizon. Je l'ai vu 10 fois, 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. KFAI is a proud sponsor of The Record Show. Like a giant church rummage sale, but with really cool records, CDs, DVDs, posters, and other music memorabilia. The next show is Saturday, February 4th, 9 a.m. to 4 p.m., at the American Legion, 6501 Portland Avenue South in Richfield. Lots of free parking. More info at mnrecordshow.com or 651-224-4947. What we heard, first of all, was a number called Wozo by Bello and Emeline Michel and James Girard. And the next was Retiens mon désir, Hold Back My Desire, by Cléa Vincent. That was pretty light and fun. Yeah, I like that. I like the voices on Wozo. I feel Does like that song's been around for a long time, though. What Retiens mon désir. Oh, it's like a reprise. It could be. Pop disco song. They redo. Uh-huh. Mm-hmm. Maybe it's like, you know, Le Soleil et la Lune. They changed the orchestration to a point that we don't really remember what it was. Mm-hmm. or recognize it. What's next? Bon, alors, c'est une chanson qui s'appelle Rose pleure par Gérald de Palma. Mm-hmm. Oui. Et Dick Anagarn, qui est un grand nom maintenant dans la musique, Chaque Soleil. On y va. dirait que c'est mal parti cette histoire. Étranglé par les sanglots, sur un banc sans maquillage et sans phare, elle s'est fait larguer dans le métro. Circuler, y a vraiment, vraiment rien à voir. Et même si le monde vient de s'écrouler, on n'en parlera pas dans les journaux du soir, car il n'y a qu'elle qui le sait. Il n'y a qu'elle qui le sait. Rose pleure toutes les larmes de son corps. Rose pleure encore, encore. Ça me fend le cœur. Je détourne le regard quand Rose pleure, quand Rose pleure. Mmh. Je vais prendre mon courage à deux mains, aller m'asseoir à côté d'elle. Peut-être que ça ne servira à rien. Peut-être que je vais me prendre un coup de pelle. C'est étrange comme je me sens bien plus proche des gens qui pleurent au grand jour. Les autres attendent les mains dans les poches, le prochain train, le prochain tour. Le prochain train, le prochain tour. Rose pleure toutes les larmes de son corps. Je détourne le regard quand Rose pleure, quand Rose pleure. C'est pas permis ou c'est mal vu, on n'aborde pas les inconnus. Il faudrait pourtant faire quelque chose. Tout le monde s'en fout ou personne n'ose. Les larmes de son corps. Rose pleure encore, encore. J'ai oublié l'heure, j'arriverai en retard. Car Rose pleure, car Rose pleure. Chaque soleil brille pareil pour tout le monde. Pareil, c'est plus juste. Chaque abeille fait merveille. Qui le miel, qui la cire, qui le sucre. Et de ci et de là, et d'ici, de là-bas, de ceci et cela, c'est si triste. Et de ci et de là et d'ici et là-bas, de ceci et cela si sinistre. Consolable, si sinueux, ex-extrême, face de même qu'une biche. Consommable, mais revêche de nature si leste. Reste. Et de ci et de là et d'ici, de là-bas, de ceci et cela, c'est si triste. Et de ci et de là et d'ici et là-bas, de ceci et cela, si sinistre. Syllabique, alambic, chronique, la courbe du vent.

he would like to assist us sometime when we need a replacement in the studio. And that's cool. His French was impeccable. Wow. So enjoy son balade autour de Lac des Îles. He's listening right now avec son baladeur. Okay. Walkman, on dit. Okay. Alors, c'était quoi comme musique? On a entendu plusieurs. Oui. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'était la première dans cette série? On a eu Rose Pleur avec Rose Gérard Pleur. De Palmas. Mm-hmm. Oui, j'ai bien aimé. Oui, c'était bien. Rose is Crying by Gérard de Palmas. C'est triste. Et Dick Anagarn singing Chaque Soleil, Each Sun. Yeah. Et on vient juste d'entendre Les Vieux de Dom la Nena. Je ne connais pas Dom la Nena, mais j'ai trouvé que sa voix était très belle. Très belle. Mais Les Vieux, c'est une chanson de Jacques Brel. Ah. Chanson très triste. Ah oui, je me rappelle. Yeah, this song is called The Olds, or The Olds, and it's about old people. Mm-hmm. How when we get too old, we don't really do things the same way. It's getting sad. And... Her voice was pretty nice, though. Not as depressing as Jacques Brel can be. Not as passionate, maybe. But how about we take a petit detour for some announcements, and we'll see if we can find that Jacques Brel version. I'd love to. Where can you find KFAI Vinyl Voices and community DJs every Saturday afternoon? The newly reopened Viking Bar, that's where. KFAI Vinyl Voices volunteers will be on hand with their records and an occasional computer to get the party started every Saturday. That's the Viking Bar at 1829 Riverside Avenue. Go to vikingbar.com or the KFAI Vinyl Voices page on Facebook for times and DJ schedules. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Ah, là, c'était la version de Jacques Brel, des vieux. Les paroles sont les mêmes. It's pretty sad at times, but I, you know, Jacques Brel has this tone where it's like a little bit more depressive and like he really pours his heart into it. Mm-hmm. So I loved it. It was nostalgic. It is. Different time. Yeah. Yeah, because it's about old people. What's next? C'est quoi la prochaine chanson? Alors, est-ce qu'on a encore entendu Junior? Mm-hmm. Non, pas encore. Mm-hmm. C'est à avec venir. Avec Panique. Et ça va être suivi par un artiste, la femme, je ne sais pas qui c'est, qui chante Mycose. Et c'est un groupe, en fait. Qui c'est? C'est la femme? La femme, c'est le nom d'un groupe, c'est It's a Band. Ils sont de Cannes ou de Nice? Je ne sais pas d'où ils sont. Oh, j'adore la femme. Oh, Cannes et Nice, avec Nice et Cannes. Avec l'anti-taxi, la chanson qu'ils ont lancée il y a quelques années. Uh-huh. Ouais. J'ai vu quelques vidéos et c'est très sympa aussi. Cool. Oui, une troisième. Une troisième. Parce une troisième. Que je sais que c'est Le Scope que le j'adore. Le Scope, suivi. C'est du synth-pop French. Oui, j'y vais. J'adore. Suivi. Suivi avec okay. Le Scope. On y va. Féminin. Le cœur qui cogne ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Thank you. Are you changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, or motorcycle. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. We heard Panic with Junior, and after that we heard Miko's, the song Miko's from La Femme. Miko's, which is something uncomfortable. A yeast infection. A fungus. A fungus and fungal infection. Yeah. And it can be a fungal infection anywhere, but yes. Vaginal. C'est surtout. Mycose. Une mycose. Et on a, ensuite, il y a eu l'escope avec suivi. OK. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est bientôt, on va faire les annonces de l'Alliance française et partager la recette des crêpes. Ooh. Bien sûr. Oh. Ouais. Tu veux en écouter? Je l'ai dit maintenant. Oh non, peut-être non, encore. Peut-être après. Une chanson et après le 21h. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi le prochain? Qu'est-ce qu'on a comme prochaine chanson? C'est Bal de Bamako. Bamako. Bal de Bamako. Bamako, c'est en Afrique. Ah oui, c'est où en Afrique? Je ne me rappelle plus. On va c'est voir. En Afrique de l'Ouest, pour sûr. Ok. Je crois que c'est au Mali. Ah d'accord. Mais je parierai pas ma chemise dessus parce qu'il fait trop froid. Ok. Avec Toumani et Sidiki. Et après. Sois le croque-mitaine, la voix arrive par la droite. Reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère. Oh mais sois qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Parce que c'est l'amour qui fait ça. Tu entends? Tu entends cette guitare? Il est 9h. 21h. 21h. Presque. Mm-hmm. Moins 1 minute. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur la station KFIE 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Il est 21h pile. Et 4h du matin à Paris. Oh là là. Et les boîtes de nuit sont toujours ouvertes. Mm-hmm. Je crois qu'il fermait à 5h. T'as déjà allé au Café Global? C'est à côté de la République. C'est ouvert jusqu'à 10h du matin. Ils offrent les croissants. C'est vraiment le fin. C'est le after, après le afters, après le afters. Une fois qu'ils ont dégagé tout le monde. Et après, tu vas manger le petit-déj. OK. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à Minneapolis? Il y a des événements? Ah, bien sûr. What kind of exciting events well, do we coming have? Up, it's the first Saturday of the month on the 4th. So it's time for petit-déj. Yay. Petit-déjeuner at the Alliance Française from 9:30 in the morning until 11:30. And venez nombreux savourer un café, manger du pain et avoir des conversations en français. So it's a lot of fun. Good food from Brad Smith. Yep. Bread and jam and sometimes Nutella and butter. And jam, yes. Une conversation. And a good time to meet new people, a lot of great indeed things happening there. And find out what's going on. Also, Rochester is now doing this. And in Rochester, same time, same different place. People's Food Co-op Community Room in Rochester. You can go and talk French and have a breakfast. What is coming up? La Chandeleur. It's La Fête de la Chandeleur. It's going to be the second. Let's see, that would be... Well, our Groundhog's Day. No, it's not on Saturday. I think it's on Thursday. Thursday, yeah, the 2nd? Mm-hmm. It's from 6 p.m. to 8 p.m. at the Alliance. Célébration de la Chandeleur entre amis. Join us in the Grand Hall. And maybe we should talk a little bit. What is La Chandeleur? I was going to check it up to get my facts straight. I know it is a true church festival, the Candlemas. Yeah, I think so. But just remember that we ate a lot of crepe. That's traditional. My mom was flipping the crepe in the pan with like a coin in her hand, and if the crepe was landing correctly in the pan, it was good luck. So you have to have one hand, you have a coin, and one hand you flip the crepe with your pan. Pan and flip it in the air. Yep. What happens if the crepe falls out? Well, you gotta find an unlucky person to eat it, I guess. Or call the dog. Yeah, but it's not good luck. It's only good luck when you get it right. Also, at the Alliance, they're having another event on the 4th. Can we just do one little thing? I want to, in French, we have this chandeleur. It says, à la fête de la chandeleur correspond de nombreux proverbes, souvent liés à la météo, which is funny. If the 2nd of February is also Groundhog Day that we... Well, it is indeed, because that night, I mean, there's La Chandeleur at the Alliance, but there's also at the Fitzgerald Theatre, they are playing Groundhog Day, the movie. Okay. Oh, they are playing movie? Oh, that's funny. Here's a proverb. De à la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Indice, si le chandeleur pleure, l'hiver ne demeure. À la chandeleur, grande neige et froideur, en passant par. Si le ciel n'est ni clair ni beau, nous aurons plus de vin que d'eau. Ça, c'est un proverbe bordelais. Les pronostics sur le fin ou le maintien des températures hivernales vont bon train. À la chandeleur, la neige est à sa hauteur. Signifie, même dans la tradition de proverbe, que c'est souvent le jour de la chandeleur que le Québec connaît son épaisseur de neige maximum. Il y a une recette. Here's a recipe. If people want to get out a piece of paper, we'll post it online as well on our Facebook page. And this is, I have to let you know that my little son, Wolfgang, wrote out in handwriting the crepe recipe, because we have crepe every single Saturday, sometimes maybe Saturday and Sunday. So he was tired of my torn up piece of paper from the internet. He wrote it out in handwriting and pasted it in the cupboard. And now he mixes the stuff for me so I can flip them in the pan. Wow. Isn't that great? He prepares in advance. It is fantastic. It's already written out, so we know right where it is. I should send you my kids for training. Oh, to my house? I should start a cooking school, the St. Paul Cooking School. Okay, here we are. Do you flip a coin and... Oh, I don't do the fancy coin flipping. Well, and it's only once a year. I mean, if you every week, you could probably skip on the coin flipping. That'd be kind of like cheating a little bit. So it's pretty easy. 2 large eggs, 3/4 cup of milk, 1/2 cup of water, 1 cup of flour, and then have 3 tablespoons of melted butter that you put into the mixture. And so... 2 eggs, 3/4 cup of milk, 1/2 cup of water, 1 cup of flour, and then take a whisk, mix it all up with that 3 tablespoons of melted butter, and then put it in the refrigerator for a while. I usually put it in there for at least 15 to 20 minutes, and then take it out and use like a half cup as a measuring. Put a butter coat in the bottom of your frying pan, which I have like a nice whatever, steel, whatever. Mm-hmm. And then you just pour that little cup of stuff and then make sure that it coats evenly all the way around. And a nice rubber spatula or whatever is great. Otherwise, once you really get the movement, you can really flip them and impress. Do you make to see that. Both savory and sweet? Oh, yes. I actually was gifted a jar of pickled chanterelles. And my favorite new recipe is hot pepper jack cheese with pickled chanterelles and my savory crepe. Nice. Otherwise, at my house, it's whipped cream and mostly Nutella. Nutella with a little bit of sugar. That sounds good. Yeah. We should buy stock in Nutella. Anyway, there we go. Sorry, that's the crepe recipe. Everybody, we'll post it right now. Well, we can be sure to cook it on Thursday. Mm-hmm. Or go to the go and enjoy them at the Alliance with the family. Oh, it would be more fun with watching people make them. So they're having another crepe making on the 4th. One is at 2 o'clock, or no, on the 2nd at 6 to 8. And then the other one is at 1 to 4. But it's a workshop. Yeah, I believe the one on Saturday is a workshop. Mm-hmm. So that's, well. And here's something else for you, gourmand. Discover French brandy. That's going to be on the 8th of February from 6 to 7 at the Mall of America. Taste specialty includes brandy, some cognac, Armagnac, and Calvados, the different regions where brandy is made. Calvados, of course, the apple. Mm-hmm, apple brandy. Apple brandy, yes. And there's something here for the children. Les navigateurs de la littérature au bonheur des ogres. That's going to be Daniel Pinac is going to present that. Do you know that story? Non, je connais beaucoup d'ogres, mais pas de bon, de bienheureux. Oh, okay, that's going to be the 8th from 6 to 8 p.m. at the Alliance. It's practice your reading skills. And the ogres certainly look scary here. Oh, this sounds a lot of fun. Do you need a little French comedy in your life? Check out Gad Elmaleh's special on Netflix, en français, bien sûr. There's, I don't know how, have any of you done that before? Mm-hmm. Brought him up? Dana, what did you do? To go onto Netflix? Yes, for this one on Gad Elmaleh. I just have to, you'd have to have a Netflix account. Yeah. They must have added it to their library. They did. Mm-hmm. Did you already see it? I didn't see it yet, but I put a link on the Bonjour Minnesota page announcing the fact that it was available on Netflix streaming. So when you have Netflix, a Netflix account, and you can stream any movie, you can just look for Gad Elmaleh. I think it was Gad Gone Wild or something like that. Yeah, so what you have is, first of all, what you have to have is a TV that can be like a smart TV or a TV that you can plug your computer or device into in order to access your Netflix account. Okay. Then once you, it's just as if your television were a computer. And if you pay, I play the subscription. It's a monthly subscription that's a nominal fee. And what you can do is just watch whatever they have in the library. It's rather than having to put in a DVD or something. Right. But it's a subscription-based library, similar to, I mean, there's the Culture Tech of the Alliance. I was just going Française. To ask you about the Culture Tech. Can you get the Gad Elmaleh? Je ne sais pas si c'est sur la Culture Tech. Je n'ai pas regardé. Mm-hmm. Well, here's another announcement for high school students, des jeunes. And they're going to have après-midi jeux et goûter on February 25th from 4:30 until 6:30 p.m. This is a monthly activity for high school students. A lot of fun and a chance to use your French. Yeah, it sounds pretty great. Fun. Yes, it is. And all of these events or announcements can be found on the Alliance Française website at afmsp.org, along with, you know, the mm-hmm. prices and mm-hmm. times and everything. What else do we have? We had one, somebody else here, the Ballet de Lorraine. Have they gone by us here? I'm not sure this date here. This is coming up. In compliment to the ballet de Lorraine, there will be members are invited to a free screening of the documentary Cash Cunningham on February 7th at 6:30 p.m. in the Best Buy Theater at Northrop. So those of you that are dancers or interested in the dance, this would be a great thing to do. You can reserve your tickets online too. Contact Anna of the for the Alliance Française code. And that's it. Wonderful. All right. We want to let people know that at the Trilon this Friday, Saturday, and Sunday, there will be Pierrot le Fou, the film de Jean-Luc Godard, avec Jean-Paul Belmondo and Anna Karina. So starring the ever-charismatic Belmondo and Karina. It's one of the director's triumphs. So subversive and bizarre. It's all things Godard. And if you would like to have a free pair of tickets to the movie and let us know if you want to go on Friday, Saturday, or Sunday, call while the music is playing. So let's get back to the music. What's the number? We better give the number. Oh, the telephone number. Oh, everybody called and we hadn't even announced it. I thought you knew it by heart. Okay. Call the studio line when the music's playing to win tickets. 612-341-0980. Et en français? 612-341-0980. On y va avec la musique. Prochaine chanson, c'est... Les écrans de avec Miss Parole. Mm. Et après ça, peut-être? Mm-hmm. No, avec Nicolas Jarre. D'accord. Je pense que c'est non. On y va. Mm-hmm. J'ai éteint les... J'ai éteint les écrans, j'ai compté les passants, j'ai fermé les yeux. Thank you. Celebrate winter with KFAI in Rice Park during the annual St. Paul Winter Carnival, January 26th through February 5th. This yearly celebration for hardy Minnesotans includes live music performances hosted by KFAI. Friday, January 27th, you can catch Papa Bear Norton and Charlie Parr. On Sunday, the 29th, McNasty Brass Band takes the stage for Jazz in the Park. And Wednesday, February 1st, things will warm up with From Ice to Spice Cinco Night, featuring the West Side Band and Mariachi. Find more festival information at wintercarnival.com. All right. We want to thank Gordon for calling in and winning the tickets to the Trilon Microcinema in South Minneapolis this weekend for their three showings of Jean-Luc Godard's Pierrot Le Fou playing this weekend. So thank you. And also we want to thank Casey for calling in and asking about Jacques Brel's Les Vieux. Jacques Brel has an incredible catalog of music. So he does. Happy listening to her. And if you're connected on Facebook through the Bonjour Minnesota Facebook page, you can, if you have any questions, feel free to ask. You can message us and we'll answer the best we can and, point you in the direction of the music that you're interested in hearing, because French music is everything from Brel to Lescope to death metal. Les Discrets just put out some new music. They do? Yeah, I love that. Les Discrets and Alceste, all different kinds of music. Metal. You don't get subjected to that quite the way I would like you to. But what else? Do we have some other concerts coming up? Yeah. Speaking of French music. Well, I wanted to talk about Paris Combo. Paris Combo is going to be in the Dakota on Saturday, February 18th. They have two shows, one at 7 and one at 9. And they are just fantastic. They have like several CDs, and they are very, they are jazzy, a little bit gypsy, but traditional too. It's an epitome of like Les Triplettes de Belleville, the ambiance of dancey French. She writes, the singer is the writer of the songs too. She's a great talent. It's very uplifting. It's very it's great. So they're gonna be in town in Minneapolis at the Dakota. So go see them if you wish. And there is another band that's gonna be a little bit later. It's gonna be on March 23rd. It's Paris Chanson. They are Los Angeles based. It will also be at the Dakota. But they're going to play things, rendition of French songs like Aznavour, Brel, Dassin, Montand, and a lot of jazz standard. And, it should be fun. Sounds good. What else? Well, I have a very important announcement coming up. The International Cabaret Night at the Honey Lounge with Mark Stillman and Francine Roche. Locals who are well known around here. They're great for dancing and just listening. This is going to be Thursday, February 2nd of this year. It's at the Honey Lounge, 7:30 to 9 p.m. They play European dance music, Latin swing, and music from around the world. The Honey Lounge is, underneath what used to be the Times. It's on Hennepin and, it's a underneath type lounge. And now it's an Asian restaurant upstairs and the Honey Lounge underneath where there's dancing. Absolutely great. 205 East Hennepin. Yeah, it's close to university. Oh, thank you. Mm-hmm. At honeympls.com. So great opportunities to hear French music here in the Twin Cities. Let's hear another song from our list from RFE. What's up next? Eh ben, qu'est-ce que c'était la dernière qu'on a déjà annoncé cela? No. Mm-hmm. Les écrans. Well, on a annoncé. We announced Les Écrans avec Miss Parrot and No. Miss Parrot et Nicolas Jarre avec Non. Et maintenant, c'est Éviter les naufrages par Pépite. Et ça va être suivi par Encore, Saint-Aubin et Presqu'île. comme si tout était plus clair. Et revenir enfin sur terre. Dans les vapeurs et la fumée, je crois je t'ai. De week-end toute la semaine, en trouvant que le lundi c'est lent, on regarde nos vies en différé. On aimerait que tout soit différent. Oh, parfois on défie la vie, celle qu'on critique pour passer le temps. Mille amis sur Facebook, pourtant si seul face à l'écran. Alors on se laisse guider par la télécommande. On regarde plus belle la vie sans se demander, tiens la mienne, elle est comment. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Comme ce disque trop rayé, on voudrait changer le train-train de nos vies, mais on n'a pas le bon billet. Et c'est toujours la même routine, encore, encore. Cette mélodie inaudible, encore, encore. Qui passe en boucle comme un vinyle, encore, encore. Alors, pour s'évader, on se fait des films. Lundi, mardi, métro, boulot, insomnie, happé par l'habitude. On se mène la vie dure, puisqu'il le faut, hein. On se vide la tête en rêvant d'altitude. Mercredi, je me tue à la tâche, en costume, sous la canicule. Puis jeudi, l'hiver arrive donc, on devient très vite taciturne. Vendredi, dernier jour de ta fastidue. Samedi soir, on titube, pensant trouver au fond d'un verre de vin un peu de béatitude. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. comme ce disque trop rayé. On voudrait changer le train-train de nos vies, mais on n'a pas le bon billet. Et c'est toujours la même routine, encore, encore. Cette mélodie inaudible, encore, encore. Qui passe en boucle comme un vinyle, encore, encore. Alors, pour s'évader, on se fait des films. Alors, on se fait des films. Alors, on se fait des films. Alors, on se fait des films. Même si c'est ridicule, même si je me fais des films. Je garde la pellicule en attendant de vivre. Et c'est toujours la même routine, encore, encore. Cette mélodie inaudible, encore, encore. Qui passe en boucle comme un vinyle, encore, encore. Alors, pour s'évader, on se fait des films. Toujours la même routine, encore, encore. C'est une mélodie inaudible, encore, encore. Tu passes en boucle comme un vinyle, encore, encore. Alors, on s'évade et on se fait des films. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Oh oui, une bonne, bonne, bonne, bonne. Je crois bien que c'est une bonne nouvelle. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, deux secondes, j'y pense deux secondes. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, je me suis levé sans l'aide de mon réveil. Il n'a pas sonné, je l'avais jeté la veille. Je me suis levé du bon pied, grand soleil dans le ciel. Parfaitement reposé à côté de ma belle. Après un petit café, deux, trois tartines de miel. Un jus d'orange pressé, je finis la vaisselle. Besoin de stresser, j'ai une super nouvelle. Tous mes dossiers sont partis à la poubelle. Oui, c'est une nouvelle vie pour moi. J'ai plaqué mon boulot, sorti la tête de l'eau. Un tout autre avenir s'offre à moi. C'est comme gagner au loto, comme décrocher le gros lot. Soit une nouvelle vie, je vais l'avoir au boulot. Je vais enfin être libre, à moi l'aventure. Fini cet équilibre entre raison et nature. J'ai besoin d'action, le grand amour c'est moi sûr. Plus d'autocensure, on va pas se mentir. Ça fait longtemps que ça dure, on peut plus se sentir. Restons amants si cela te rassure. Garde l'appartement, je prends les clés de la voiture. Oui, c'est une nouvelle vie pour moi. J'ai enfin plaqué ma go, sorti la tête de l'eau. Un tout autre avenir s'offre à moi. C'est comme gagner au loto, comme décrocher le gros lot. Je vais la boire au boulot. Nostalgie de ma vie, maintenant je bois au boulot. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. I just want to thank Deborah for calling in and reminding us about La Mélancolie des Dragons, the Philippe Cuisney, is that his name, the director, one of Europe's finest performance makers. There was a great show at the Walker that took place over the weekend. And of course, there's so many performing arts venues, but the Walker's Out There series is really something. And of course, we wanted to announce that, but sometimes we miss it. So please call the studio line if you know something French that's taking place. Give us a heads up, or of course, call us. Let us know via the Facebook page. We'd appreciate that. Yeah, we'll be more than happy to announce it, promote it. Mm-hmm. Well, I have another announcement. It's going off time for the Liberty Falls 5-4-3-2-1. It's going to be until, let's see. Well, this is the last weekend. And this is the group with Stephen Epp, Nathan Keepers, and others that were from La Jeune Lune. Oh. And Liberty Falls is supposed to be just a crazy fun thing. Where's that taking place? The Lab Theater. Oh. The Lab Theater. Guthrie Theater Lab. 700 North 1st Street, in Minneapolis, Minnesota. So right. I think the 5th, well, this weekend is the last one. What were the songs we just heard? I think we... We heard Nouvelle... The last one we heard was Nouvelle Vie, the title. Mm-hmm. And before that, we heard Encore, de Saint-Aubin et Presqu'île. And avant ça, Éviter les naufrages, de Pépite. Très bien. Oh, let's have a little more music, shall we? That sounds good. What's next? The next song is Hymne à la paresse, an hymn to the laziness, the Tao Ravao, Je m'en vais, de Vianney, et Christina, de Vincent Delerme. On y va. Je suis fatigué, je peux pas lever, j'ai vraiment pas envie de travailler. Je suis fatigué, je vais m'allonger, laisser le bon temps rouler. Toujours courir matin et soir, au risque un jour de ne plus pouvoir. Marcher lentement, prendre le temps, au gré du vent, à contre-courant. Beaucoup me disent, t'as jamais une thune, moi je leur réponds, que je suis dans la lune. Je suis fatigué, je veux pas me lever, j'ai vraiment pas envie de travailler. Je suis fatigué, je vais m'allonger, laisser le bon temps rouler. Thank you.

jamais su t'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Programming is supported by the Science Museum of Minnesota, presenting Science Fusion, a four-part event series celebrating diversity in our community. On Saturday, February 4th, from 1 to 4 p.m., guests can be inspired by local scientists, inventors, and educators at the Asian Americans in Science event at the Science Museum of Minnesota. Up to four kids get in free with each paid adult admission. More information at smm.org. KFAI is made possible by the generous support of our underwriters. If you miss details about these or any of our station's underwriters, you can learn more at kfai.org/underwriting. Thanks for supporting the businesses that support your favorite station. celle qui est au bout du fil, qui appelle au milieu de la nuit. C'est ton ami des heures fragiles, pas l'amant juste, le confident. Je sais rien qu'au son de ta voix, tes yeux mouillés, ton âme en froid. Il fait la pluie, mais moi je suis là. Je ferai tout et n'importe quoi. Sauter les saisons, venir l'été en hiver. Voir ton cœur qui fond là sous le soleil. Sauter en l'air, brûler par terre. N'importe quoi, mais souris-moi. Mais souris-moi. Tu m'as relevé quand tu tombes. Mon cœur qui se soulève peut déployer toute une armée. Avec l'été en hiver. Au revoir tout le monde, au revoir Dana et Frédéric. Au revoir Carrie, au revoir Dana. À la prochaine tout le monde. Ce n'est que moi, ne raccroche pas. Coucou les amis, voici la fête aux chandelles, chantée par Pierre Lozère. Ajouter selon les recettes du rhum ou du grand. poêle est bien chaude, le beurre est fondu, versons la pâte lentement. Retournons la crêpe, mais bien entendu, sans se brûler les ongles.